Vous en voulez plus? Toutes les archives des émissions de France Inter sont disponibles sur l'application Radio France. Ça fait 1,5 million d'épisodes et c'est gratuit.